un putain de classico. Ce soir je vais faire un putain de classico. C'est du por dinero. Même si j'en ai plein les poches, ça va pas m'empêcher de respecter les codes. Ah, le type là a manqué de zaza, mais façon tu connais, je vais choper son col. On peut dire qu'on a marqué l'époque, mais on a fermé nos gueules, on a continué de bosser. Les balles sur un catamaran, demain midi, chope pas du télo. J'ai pris mon room service, demain j'ai séance avec Bissa. Tomber, moi du vernis, on fait ça à l'aise, faut que tu vois ça. Nouveau jeu, joue pas un V6. Y'a bien longtemps que j'ai lâché le 26. Y'a bien longtemps que j'ai lâché le 26. 17, 18, 19, 20ème balle. Dans la carapie comme Messi. Messi, Messi. Ne pas bouger de la Tessie. Tessie. Les 3 millions, ça fait plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. En vrai, merci, merci, merci, merci, merci. Gracias. Dans la carapie comme Messi. Messi, Messi, Messi. Ne pas bouger de la Tessie. Tessie, 3 millions, ça fait plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Merci, merci, merci, merci, merci. Qui peut le dégager? Personne m'a avancé, je danse comme Mila au bout de l'allée. Le M, le H, le D. Le M, le H, le D. Je suis dans le A, le M, le G à Bordeaux, dit TT. Les bras sont travaillés, bébé veut poser sa tête. Niveau élevé, le flow est aiguisé. Cheval sur lequel fallait miser, relou à rattraper. J'suis Nicolas Pépé, gardien de but est enculé. Les boss remplis de billets, les boss remplis de billets. Toutes couleurs, yeah. Une day, deux day, trois day, tu dois d'oseille. Tout dans l'espèce. Zéro mandat express, à part ça, j'suis dans le club, j'ai ramassé trop de camps, peut pas me rendre cash, j'suis un pirate. Qui peut me rendre cash, j'suis un pirate. Elle rêvait comme Zidane, j'mets des coups de tête comme Zidane. J'veux le plata à Zidane, j'suis un putain de disque comme Zidane. Ne pas bouger de la tête, c'est imbécile, on est dans la carapie comme Messi. Messi, Messi. Ne pas bouger de la tête, c'est Messi. Les 3 millions, ça fait plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Après, merci, merci, merci, merci. Merci, gracias. Dans la carapie comme Messi, Messi, Messi, Messi. Ne pas bouger de la Tessie, Tessie, Tessie, Tessie. De 3 millions, ça fait plaisir. Plaisir.